abîmé. Tu sais que les hommes ouvrent les yeux quand c'est terminé. Me livrer à toi, peut-être une dernière fois. Te dire que mon corps n'appartient qu'à toi, baby. Relancer le compteur à zéro, qu'on soit complètement in love. Mais tout ça n'est pas si facile, c'est que t'y penses. Donne-moi une toute dernière chance. Cette fois sera si bon, bébé, tu sais si bien que tu veux mener la vie en rose. Doudou, suis mes pas, je mènerai la danse. Pour nous, rien n'est aussi fort que l'amour. Pardonne-moi tous mes erreurs, même si c'est l'horreur. Je ne vois que tous les deux. Dis-moi, je t'aime une toute dernière fois. Je vois dans tes yeux cette femme qui ne prie plus pour moi. Même si tu ne peux pas, je t'en prie, dis-le-moi. Que mon corps est le seul que tu désires auprès de toi. Je te désirerai que pour moi. Mais dans ces bras, je me suis égaré. J'ai tout essayé pour te garder. À quel point je m'en veux pas. Je te désirerai que pour moi. Mais dans ces bras, je me suis égaré. Parlez maintenant, c'est moi que tu vois. Quand tu l'as près de toi le soir, et que tu vois qu'elle n'aime pas ce que j'aimais moi. Ne cherche pas à me trouver en elle, car c'est elle et plus moi. Tout est devenu flou, devenu si flou autour de nous. Focus sur des futilités de ton côté, tu voyais pas. Tout était si fou, devenu si fou. Faisons que cette nuit soit douce. Dis-moi, je t'aime.